J'ai un peu hâte aussi que le Canadien se fasse éliminer parce que la face commence à me piquer. Vous écoutez 70%. Y a trop de questions sur ma liste, de questions techniques et existentielles. Si Jésus était jeté à l'eau tête la première, flotterait-il quand même? Rebondirait-il ou se cognerait-il? Et que vaut cette théorie qui dit qu'à chaque fois qu'on écrase une mouche, l'une de ses pattes repousse parmi nos sourcils? La vie, ce n'est pas simple, mais heureusement, on peut, paraît-il, expliquer le monde par une équation mathématique. 100 moins 30 donne 70, plus 100 donne 170, plus 70 donne 240, moins 30 donne 210, plus 70 donne 280, divisé par 4 donne 70. Et va donc répéter ça à ta sœur de ma part, elle en sera folle d'amour, j'en suis sûr. Monde partout. J'ai trouvé une affaire sur YouTube, là. C'est comme une compilation, ça s'appelle Music of Video Games, puis ils en ont fait une 200. C'est comme une compilation des bonnes tunes de NES, puis moi, la tune de Legacy of the Wizard, c'est une de mes préférées de tous les temps au monde. Là, j'en ai finalement une qu'on n'entend pas le monstre tirer tout le temps. Le boum, boum, boum. Ce que t'en penses, toi, Simon Préjean? C'est inacceptable. C'est inacceptable, tu veux dire surtaxer Alex autant en deuxième période? Non, le fait que j'ai aucune idée de quoi tu parles. OK. tu veux dire que ça ressemble pas mal à ta chronique de ce que tu vas nous parler tantôt aussi? Ah, c'est des choses, hein. Évelyne Potvin-Cloutier. Bonjour. C'est le grand retour de Niagara Falls. Ben oui. T'as vu des hélicoptères et tu as survécu. Ben oui. Et voilà. À ne pas essayer à la maison. Surtout pas. Ouais, tu nous as ramené des affaires sur Annie Dufresne, toi? Ben là, finalement, pendant que j'avais plein de temps pour moi, Niagara, j'ai finalement fait la lecture complète de Tatou, c'est fini, le roman d'Annie. Chanceuse. Puis je vais vous faire un petit extrait. T'es rendu à la grande finale de l'œuvre. Ouais, ouais, ouais, il y a un punch incroyable. Puis je voulais vous dire aussi que j'ai rebaptisé mon stérilet Alak. parce qu'il en laisse passer une fois de temps en temps. Vous avez reconnu. Tu as annoncé que t'es enceinte. Vous avez reconnu la meilleure manière de le dire. C'était comme ouais, c'est ça. Puis avec une énigme. Bruno? Oui, j'ai appris cette semaine que la famille de Darwin, c'est toutes des consanguins. Moi, je trouve ça ironique. On a Guillaume aussi de Laval au complet. Je représente Laval. Et voilà la rive nord. L'ambassadeur. Oui. L'ambassadeur. C'est pas encore la rive nord, en fait. Techniquement, c'est comme une île entre la rive nord. C'est ça. C'est une tentative de rive nord. Vous êtes même pas une vraie banlieue. Mais dans le fond, Montréal, c'est la banlieue, man. c'est de la bonne c'est attitude. Ça, vous comprenez pas. La banlieue de Laval. Hey, parlant de bonne attitude, on a Alex et Arnold aussi. Ben yes. C'est représenté par Alex, bien sûr. Mon micro me fuit. Je sais pas si ça s'entend quand j'essaye de le rapprocher puis que je continue de parler. Ah, il tient. Je vais en profiter puis je vais dire quelque chose de vraiment important. Là. Allô, maman. Merci, mon gars. Hey, puis c'est lui qui a fait la dernière tune thème qu'on a eu pour la première fois la semaine passée. Ouais. Là, c'est le gros kit. On va pouvoir y demander pourquoi que 70 revient aussi souvent dans l'équation de l'humanité. On a hâte. Pense-y, on va s'en reparler tantôt. La toune est en 70 BPM en plus. Là, c'est vraiment fucké. Est-ce que c'est un concert? Hey, puis DJ Georges, bien sûr. On était rendu à quoi, nous autres? EF? On est rendu à F, là. On était rendu à F. Ouais. Bon, ça, c'est pas pire. Là. Ceux qui sont pas au courant, c'est que DJ, il nous fait vivre l'alphabet à sa manière. Oui, l'alphabet comme vous ne l'avez jamais entendu. L'alphabet comme on ne l'a jamais entendu, il n'y a pas à dire. Moi, je pense que le vote a fait que c'est Dr. Alien, ce soir, qui a gagné. J'ai tout le temps... Des extraterrestres cochons. Ouais, c'est spécial. Ah ouais, cochon, ça, c'est pas, en plus. Oh, ouais, vas-tu faire des boules d'extraterrestres? Ouais. Des boules vertes? Trois ben, boules vertes. En fait, à un moment donné, la docteur, on y voit les boules, puis un petit peu plus tard, elle enlève son masque d'être humain et devient bleu. Et là, on ne lui voit plus les boules, mais comme on lui a vu quand elle avait son masque et qu'il s'est supposé être la même personne, on peut dire... C'est tout comme. C'est des fausses boules mises par-dessus un corps d'extraterrestre, là? Non, c'est... vraiment des boules, pour vrai. Imagine... On fait un montage. Là. Imagine comme si c'était vraiment pas très, très bien fait, là, mais un petit peu pire. Ah, okay. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'actrice ressemble vraiment à l'extraterrestre. Un peu. C'est dur à dire à la radio, mais c'est fabuleux comme ressemblance. Ouais, mettons qu'elle a porté le bon masque. Puis sinon, c'est quoi je voulais rajouter aussi? Ouais, merci aux gens de Choc d'avoir participé à l'activité hier qui consistait à la chasse au trésor. On a réussi, nous, à remporter la carte du Cosme Gentil. Et on était dans le fond. Il y avait les gentils messieurs qui disaient merci. Et Simon Chenier a gagné une cafetière. Oui, et voilà. Une belle cafetière. Ça a été, il m'a dit ça tantôt. Il s'en est servi, sais-tu? C'est tellement beau! On n'a pas parlé. Mystère et boule de gomme pour le moment. Étienne Forêt a gagné 20$ chez Kilo. Oui, que j'ai encore. Je n'ai toujours pas dépensé. Je sais pas ce que je vais faire avec, là. J'ai des projets de vacances. Ouais. À Laval, il y a des beaux coins, là, si tu cherches des places, là, à Laval. Ah ouais, il y a la Marina, puis le Cosmodon. Toutes des places où on peut aller dépenser. Hey, ben stay tuned, c'est une grosse émission. On va commencer ça ici avec Hockey Cossum, puis Guy Lafleur, puisque j'en ai parlé tantôt. Mais oui. Tôt, yes. C'est de la bonne zik, ça. Je sais pas si ça vient d'où, je sais pas c'est quoi. Ils sont vinyles, ça? Je sais pas. C'est ça? C'est quelqu'un, non, Hockey Cossum? Ouais, non. C'est un autre groupe qui chante Guy Lafleur. Ça s'appelle OK. Tu sais, Hockey Cossum. Ok, cool. Guy Lafleur. When I was younger, I went to the doctor. Guy Lafleur. Out on the highway, je suis Bob Gainey. Guy Lafleur. The puck's in the corner, pass it to Napier. Guy Lafleur. Calling your name at the end of the game. Guy Lafleur. Brian Walter showed you his tattoo. Guy Lafleur. Score 1,000 goals for me and you. Guy Lafleur. Golden boy without a helmet. Guy Lafleur, des choux claques dans le fond d'une marmite. Guy Lafleur, how could we forget you, Guy? Oh, you were such a sight to see, skating as though you were flying, lit our hearts as you were shining, even through the hardest times, even when you said goodbye. Dans l'enclave! Oui, c'est bien elle! Ma perruque. C'est pas un déshonneur. C'est pas un déshonneur. If you don't recognize a passer to recognize Guy Lafleur. Feet moving like Elvis, pass it to Jarvis. Guy Lafleur. Jackstraps reeking, but pal Jack's cleaning. Guy Lafleur. Superstar so far from Thurso. Guy Lafleur. Like a clown, you're on the radio. Guy Lafleur, le droit de voter, c'est le droit de veto. Guy Lafleur, number 10, the hero of the league. Guy Lafleur, embroidered on the inside of your wing. Guy Lafleur, how could we forget you, Guy? Oh, you were such a sight to see, skating as though you were flying. Little hearts, 'cause you were shining, even through the hardest times, even when you said goodbye. Even if you're not so clever, fallen heroes live forever. On avait deux pommes pourrites dans l'équipe Picard. À date, j'en ai éliminé une. Le prochain à partir, c'est Morrison. Ça fait combien de temps qu'on travaille ensemble? 10 ans? À peu près. Regarde. Je sais pas, parce que Thompson est à secret d'or après 2 semaines quand t'as été transféré à Laval, là, qu'on va arrêter de travailler ensemble. J'espère. T'es le meilleur partenaire qu'on peut même pas espérer d'avoir. Cette raison-là, il faut continuer à travailler ensemble, puis il faut passer incognito. C'est pour cette raison que je t'ai déniché une nouvelle bagnole. Ça y est? Non, non, pas lui. Non, l'autre à côté. Comme un demi-frère, là. Un peu de respect pour la victime, là, elle est morte. Là. Pas la victime, la nouvelle. Faut pas qu'elle m'ait faite. Hein? Ben, c'est ça. En l'intérieur, ben, y a le marteau. Ouais. Ok. C'est pas vraiment concret. La première image, s'il vous plaît. Alors, ici, on peut voir que la victime a subi plusieurs blessures causées par le marteau en question. Puis en plus, je me suis fait affaire avec McAllister, un agent suspendu! Je t'ai retiré l'enquête. Hey, tu peux pas faire ça, là. Ton arme, puis ton badge. Tiens, ça donnera cash à la caissière. Ouais. On va se servir un peu, non? Ben ouais. Parfait. Ça l'a non seulement parlé d'armes, mais ça l'a aussi parlé de badges. C'est dans l'ordre que ça devait se passer. Ouais. C'est Guillaume Miller, toi t'es réalisateur. Salut Guillaume! Salut! Ben, réalisateur, je suis un peu de tout, là. Je me suis levé un matin, je dis j'ai le goût de faire un film, puis je l'ai fait, puis je me suis entouré, puis le monde sont venus. Ah, fait que t'es scénariste aussi? Ouais. Ben, c'est les pires, eux autres. Ouais, ouais, quand même. Tu joues-tu dedans, en plus? Ouais, en plus. C'est ça, fait que j'ai passé à 2 pouces d'avoir un burn-out, fait que non, c'est pas vrai. Mais c'est drôle d'entendre. T'es-tu humoriste aussi? À mes heures, là. À mes heures. Fait que là, ça, c'est le premier projet que je caresse vraiment, que je travaille vraiment fort dessus depuis un an. J'aimerais ça que tu nous en parles plus de ça. Ouais, mais juste, juste avant, je trouvais ça des drôle. Des caresses? Ouais. Du projet qui travaillait pas fort dessus. Non, non, non. Tu as peinturé mon patio. Non, c'est cool. Mais toujours est-il que c'est drôle d'entendre la bande sonore d'un film que tu vois pas les images. T'sais. C'est comme, mettons, quand t'es sur l'autoroute, puis t'es à côté, genre, des cinéparks, puis là, tu le pognes. Moi, tu le pognes, mais tu vois pas les images. T'sais. Fait que c'est comme vraiment absurde. Fait que, surtout qu'il y a ben des gags visuels. Fait que c'est vraiment plate d'entendre. Ah, oh, ben moi, je trouvais pas ça plate. Ben il y avait l'arme et le badge. Là. Ouais, laisse ouais, nous c'est décider. Là. Okay. Si toi, t'es pas habitué de l'entendre de même, on vient de t'apprendre de quoi. Excellent. C'est ça. Revoir sur un autre forme. Ça, dans le fond, c'est quoi? C'est un trailer d'un court-métrage que vous avez fait. Ben, dans le fond, c'est un long métrage. Ben, je sais pas si c'est long, là, un heure et quart. Là, mais... Bon, ouais, ça commence à être long. Ouais, c'est ça. C'est un long métrage. Ouais, c'est un long métrage, mais dans le fond. Par rapport à quoi, tu sais? Ouais, c'est ça, c'est vrai. C'est long si, mettons, t'es dans une salle d'attente. Ouais, c'est ça. Pendant un heure et quart, là, ça peut être pas pire. Ben, dans le fond, le but de ça, c'est de faire 12 épisodes d'environ 2-3 minutes, un peu comme un preview à la Tarantino, la Machete, ou est-ce que c'est un faux preview d'un film qui sortira jamais. Puis comment je vais le présenter sur le web, c'est vraiment comme le preview d'une série que tu verras jamais aussi. Mettons, c'est comme si tu syntonises la télé puis tu pognes tout de suite ce que vous allez voir la semaine prochaine dans tel épisode. Okay. Mais quand tu le regardes back à back... C'est continuellement comme si c'était une pub. Là. Exactement. Fait que okay. Si tu le regardes de back à back, de l'émission 1 à l'émission 12, ben, t'as vraiment le film. Fait que moi, je l'ai monté en film pour tous ceux qui ont joué dedans puissent le regarder au moins une fois en famille. T'sais. Puis à un moment donné, ben, non, il y avait des belles transitions. Puis à un moment donné, ben, il y a eu un accident de parcours puis ça a fait un film en tant que tel. Puis... là, peut-être là, on travaille fort sur Fantasia, là, fait que on touche du bois peut-être parce que ça c'est vraiment série B ça, un c'était peu. Du plywood là. Ouais, ah, OK. Ben tu vois c'est tout pertinent jusqu'à date. Là. Ouais, c'est ça, mais c'est soit ça ou le stérilet à lac, mais je vais pas prendre de chance, je sais que ça porte bonheur là. Mais on se connaît pas assez. Mais puis l'idée des personnages comme ça parce que c'est vraiment caricaturé là, le gars il est liché par en arrière et ouais, tout ouais. Et tout là, ça... le grand italien, le grand italiano, puis le petit côté le petit gros qui est vraiment un policier. La Beastie Boys, le sabotage, là, les gros clichés, les grosses barniques, la grosse moustache. Fait que, ben, c'est ça, c'est vraiment. Dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé, je vais vous le dire. C'est parce que j'ai. Attention, pesé record. Ouais, en exclusivité. C'est ça, ben, j'ai regardé de A à Z Omerta. Okay. Puis il y avait tellement de clichés dans Omerta. Quoique j'adore Omerta, je suis un fan fini d'Omerta, mais je disais, moi j'ai une facilité pour la parodie, fait que je disais, ah, cette boîte-là, ce serait drôle qu'il fasse ça, puis nanana. Fait que. L'histoire s'est construite de même, puis c'est ça. Fait que, surtout, qu'est-ce qui est vraiment absurde là-dedans, c'est que c'est vraiment les gros clichés de films américains qui se passent à Laval. Ouais. Fait que c'est ça qui est absurde, là, tu sais, genre... Bon, ouais, t'as juste à pas perdre le contexte de vue, puis non, ça... Non, non, mais ça dépend comment tu le prononces, man. Si tu lances L.A. L.A. V.A.L., ça rentre un peu plus, tu sais. Ouais, j'avoue, man, avec des coups de gants. Le... Ça, j'ai vraiment la vallée à L.A. Ouais. Mais voilà. Silicon Valley, ouais. La vue. Ouais. Mais ça, j'ai vraiment entendu une fille à Laval dire ça. T'es dans une cabine de boss, là. Puis là, je suis pas trop. On avait une amie commun, elle se met à se présenter, mais elle est comme trop bad, là. Tu sais, elle shake les bras, le bling-bling, là. Puis les cotons wetter bleu poudre, là. OK. Puis là, elle m'a vraiment shooté ça. Ah ouais, moi, je suis né cette, là. Je viens de L.A. Elle laisse une pause. V-A-L. Oh. Je voulais partir. Je voulais vraiment partir à ce moment-là. Mais moi, je suis un gars de Laval, fait que moi, on déformait les mots comme Fabreville, c'était Fabertown. Saint-Rose Beach, tu sais, genre à cause de la plage, tu sais. Ah ouais, mise en situation. Moi, je connais Guillaume Miller parce qu'on est allé à la même école secondaire avec Cure-Antoine Labelle. Ouais. Je faisais de l'impro. Tu faisais encore de l'impro. Savais-tu qu'il savait pas c'était quand la date de Noël? Pardon? Ouais, savais-tu ça que Simon Puel, je savais pas c'était quand la date de Noël? Mon Dieu. Il doit pas se rappeler de ça. On se connaissait pas assez dans le temps. Parce que j'avais pensé qu'il y a le meilleur gang, puis la date de Noël, j'ai répondu 24 juin. Mais c'est parce qu'il s'est trompé de bouton pour vrai. Ah, OK. Ben okay. Oui. Ben oui, forcément. Mais juste pour être sûr que le meilleur gang, c'est pas Grégory Chance. Ouais, le chanteur de Laval. OK, puis le genre, je me suis trompé de putain. Le running gag qui était assez mauvais. Édifiant. Édifiant. Ah, mais. Des grands moments de télévision. Ouais, quand même. Mais moi, ben, si vous êtes chanceux, vous allez peut-être le voir ce soir au Brouhaha. Faites la demande spéciale. Hey, puis Guillaume, avant de passer vers Bruno pour avoir des nouvelles, puis tout, puis tout, là, tu fais l'émission avec nous autres, là, toi, on te prend pour acquis, là. Ouais, c'est sûr. Donne-moi du vin, puis go. Et voilà. c'est quoi le challenge le plus difficile que tu as rencontré, toi, dans faire un film, mettons? De négocier avec la police quand tu as un gun pointé sur toi. Puis c'est pas des jokes. Ah non, c'est clair, là, parce que ça. Ben, est-ce que j'ai le temps pour une anecdote? Ou, ben oui. Okay. Ben, l'affaire, c'est que habituellement, je fais toujours affaire avec la ville. Un permis, t'es obligé d'avoir un permis si tu tournes sur des lieux publics. En plus, faut que t'avertisses le 911 de dire que t'es à tel endroit de telle heure à telle heure pour dire que t'as des guns en plastique. Puis des fois, ben le message se fait, des fois le message se fait pas quand il change de shift. T'sais. Mais je vais pas blâmer personne, on sait jamais ce qui peut arriver, l'erreur est humaine. Et toujours est-il qu'à un moment donné, ben on finissait de filmer, puis on s'est vraiment fait rentrer dedans par la police. Gros, le gros char qui break, les portes qui rouvrent, les guns pointés sur nous autres, la fameuse phrase, la grosse macarena, la chorégraphie, mon gars, quand t'as un gun pointé sur toi, là, les mains dans les airs, distancez-vous, l'autre main à terre, puis là, la grosse procédure. Puis mon chum de gars qui est bénévole, le réalisateur, moi je suis... Dans le fond, je suis quand même un genre de producteur, mais mon chum de gars qui est caméraman, Joe Barbe, il a réalisé le film. Fait que lui, il fait du bénévolat pour moi tout l'été. L'été passé, il y a comme eu 4 journées qui a fait beau, tu sais. Fait que pour 1 heure et quart de tournage, disons qu'on a travaillé fort. Fait que lui, il est à terre. Il attend d'avoir un autre char de patrouille qui arrive avec d'autres menottes, tu sais, pour l'arrêter. La caméra est là, tu sais, il aurait pu... se faire bâcher, la caméra aurait pu cramer tout. C'est dément, ça. Ben. Ouais, c'était... Puis après, les gars, ils étaient super fins, la police était super fine. Ben, j'espère. Non, mais... C'est parce que quand un gars pointé dessus... Le bleu de mon genou dans ton dos, ça va s'en aller dans 2 semaines, y a pas de trouble. Non, ils ont pas été... Ça, ils le savaient, là. C'est juste que les autres, quand ils font une procédure, ils font de A à Z, en même temps, c'est bon que je le dise pour que ceux qui font un film, là, mais que... Appeler 9-1, ils ont juste à faire, tu sais, dans un sens. On pourrait aussi l'envoyer de l'autre bord puis qu'ils paniquent un peu moins s'ils voient 4 gars avec une caméra, là, tu sais, dans le champ. Ouais, mais... Parce qu'ils n'ont pas remarqué la caméra. Ouais, c'est ça. Puis surtout que quand on regarde LCN en boucle, puis qu'il y a du monde qui font du car surfing, puis il y a des gens qui font des trucs sur YouTube pour entrer dans les gangs de rue. Puis il y a Omerta pour nous ramener les vrais clichés aux vraies places. Puis en plus, je sais pas, la petite madame qui regarde ça, elle a peut-être dit genre, mais c'est des jeunes qui font un coup. Fait qu'elle a pas pris de chance. C'est l'individu. Tu sais, le White Dog, il y a des guns puis de la poudre, puis il y a tout le temps une caméra avec lui. C'est vrai. T'attends. Ah, mais ça, c'est les risques de faire un film guérilla. Kinimod aussi, il l'a dit. Hugo Boss, excuse, il l'a dit. En entrevue, il a dit, à un moment donné, le fait que j'aie une caméra fait que je peux parler de n'importe quoi, de n'importe quelle manière. Ouais, c'est ça qu'il a dit, puis c'est... Ouais, mais il a du bien des affaires. Ouais, ben écoute, là, si Kinimod a pas raison, là, Hugo Boss a pas raison, puis le roi Enoch a pas raison, puis... Ça se peut pas qu'il ait toutes pas raison, même. Non, ça se peut pas que toutes ces gens... Bruno, toi, t'as raison. Moi, je vais partir... Ouais, vas-y. Parce qu'on va s'en aller vers... On veut du power, là. On veut du power. OK, c'est... Voici maintenant les manchettes internationales avec Bruno Corbin. Faudrait ça finit en fade out cette fois-là. C'était moins impressionnant un peu, je trouve. Faudrait le refaire avec une chorale, les mecs. C'est une bonne idée, ça. Ouais. Les petits chanteurs de Laval. Ah, je vais m'arranger. Penses-tu? Ça n'existe plus, mais on va s'arranger. On les recrée. J'en connais plein. Les anciens petits chanteurs. Ah. D'accord. Alors, Jack Hormisher, 2 ans, s'est fait confisquer son sandwich au fromage par les employés de sa garderie de Pembleton en Angleterre, car le dit sandwich ne contenait que du fromage et ne se qualifiait pas dans la catégorie bon pour la santé selon les normes de la dite garderie. C'est que le Westfield Children's Center a créé une liste d'options de nourriture santé pour les jeunes qui inclut plusieurs fruits et légumes ainsi que des pâtes alimentaires, du riz et des patates. Le sandwich, dans ce cas, aurait dû contenir de la laitue ou des tomates pour se qualifier dans la liste et ainsi permettre à l'enfant de 2 ans de se nourrir. Dorothy Geller, la mère de Jack, trouve absolument pathétique que ces gens jouent à Big Brother avec la vie des gens. Elle affirme que les employés lui ont parlé avec pédance du problème, faisant preuve d'une grande ignorance. Jack fréquente maintenant une nouvelle garderie qui ne fait pas de discrimination contre le fromage. Parce que tant qu'à manger un sandwich, pas de légumes dedans, t'es aussi bien de faire jeûner l'enfant de 2 ans. Exactement. Ben oui, c'est bien mieux pour la santé. C'est une belle qualité aussi pour une institutrice en garderie. La pédance, tu sais, c'est une très belle chose à cultiver. Ça. On y va avec un autre? Ben oui. D'accord, alors les Danois sont peut-être leaders mondiaux en ce qui a trait à la production de déchets, mais il ne semble pas que cette production se passe dans la toilette. Apparemment, ils sont ceux qui utilisent le moins de papier de toilette par année. C'est-à-dire, ouais, bravo. Bravo les Danois, c'est-à-dire 13 kilos par année comparativement aux Américains qui sont en tête de file et qui en utilisent en moyenne 23 kilos, soit environ 57 carreaux par jour. Wow. Hey! Hein? 57 carreaux. Le World Wildlife Fund, la WWF, estime qu'environ 27 000 arbres sont coupés chaque jour pour la consommation unique de papier de toilette à travers le monde. Mais les Danois utilisent en majorité des matières recyclées et des sources renouvelables afin de fabriquer leur PQ. Le problème vient aussi du papier extra doux qui utilise beaucoup plus de matériaux que le papier normal à 2 ou même à 3 épaisseurs. C'est tellement doux qu'on a tendance à s'essuyer plus juste pour la sensation aussi. Moi, des fois, je vois même pas... Je vois juste sur le toilet. Ouais, je te donne l'éditorial un petit peu. Ce fléau. Hey, t'en restes comment de ça, voir? 2, 3, 4. Plus tard, hein? Ouais, 4. Plus tard. Ça, ça veut dire que si on pas plus tard, faut faire face à la bête. Pas le choix. Cette bête, c'est la bête qui répond. Vas-y, Forêt, man, pars ton show. Certain. Merci. Écoute. On est rendu dans les F, donc, de mon alphabet. Et puis, j'ai un disque qui m'est arrivé par la poste directement de France. Oh! Soit un envoi de Lilian Chute, notre fan Lilian. Français. On remercie nos fans anglais. Salut! Ouais. Et puis, ça vient de France et c'est Frédéric François, donc un double F. Il a piqué ce 33 tours-là à sa mère, puis il me l'a posté. J'ai trouvé ça pas mal intéressant. Wow. Est-ce que Frédéric François? Donc, on salue la mère de Lilian Chute. Oui, Madame Chute, vous cherchez votre album de Frédéric François. Il est au Québec. Il est rendu rippé. C'est ça. Je peux vous le renvoyer. MP3. Ouais. Pas de problème. Est-ce qu'il y a rapport avec Claude François, Frédéric François? Non, il n'y a aucun rapport. Non. Frédéric François de France, là. Ouais. Moi, ben, lui, en fait, il vient de Belgique originalement, mais bon, je pense qu'il vient en France maintenant, ou sinon il a vécu un grand bout de Il paraît que c'est la même affaire. Ouais, il paraît que tout le monde s'en sacre. C'est assez similaire. Ça compte. Ça me fait penser à hier au gala de Choc, il y a quelqu'un qui a crié « Hey, on s'en crisse » quand on a fait tirer 2 billets pour le show de Mutec. Cette personne-là les a gagnés tout de suite après. C'était quand même assez édifiant. Ouais, attends, tu parles-tu de moi, là? Non, on parle de Frédéric non, François. C'est un gars avec des ailes, ça pouvait pas être. Ah, OK, non, les ailes, ça devait pas être moi. Hein? Non, parce que t'as pas d'ailes. Donc, Frédéric François, qui est un chanteur de charme, qui se donne un style italien, malgré son nom super français. Puis c'est lui qui chantait « Je t'aime à l'italienne », d'ailleurs, que j'ai déjà fait jouer ici. Ah oui. On avait conclu, d'ailleurs, que « Aimer à l'italienne », c'est... Jaloux puis tripoter. C'est ça, être jaloux et tripoter, c'est ça que la chanson dit. Nous autres, on fait juste répéter. Donc, cette fois-ci, ben, s'il y a des gens parmi le public ou ici en studio, qui se sentent un peu tristes puis qui ne savent plus quoi faire, ben, je peux vous conseiller d'aller faire un tour à la grande école du bonheur. Je l'aime déjà. Ça me touche. C'est italien, si c'est bon prix. Si trop souvent plus rien ne va, si tu es triste, si tu ne fais jamais la fête avec ton cœur, alors il faut que tu entres vite. Quoi? Alors il faut que tu entres vite à la grande école du bonheur. Ils sont rendus au troisième tour d'inscription pour la session d'été. Les cours de dilatation. Sur tes blessures, on te mettra de la douceur. Tu feras des progrès fantastiques. Oh, il a venu les roches. Ouais, c'est un petit peu ma gueule. Du bonheur. Moi, je suis plus capable, en tout cas, je sais pas. deux refrains, c'est plus que la majorité. Ça sonne un peu comme la balade des gens heureux. Ouais, plus, un peu, hein. C'est vrai. Comme t'as-tu dit en plus, non, j'aurais dit en moins, moi. Pourrais ajouter à l'insulte. Bon, ben, switch-moi ça, mon gars. T'as un double F d'un coup, c'est fort. Ben, c'est comme un genre de chanson que t'entends à 4h du matin quand tu manges une poutine dans un restaurant miteux. Là. Oui, c'est vrai, vraiment... c'est vrai, c'est typiquement comme ça. Comme pour faire rotationner vite possible. Mais ben, pour la prochaine saison de Flic, je vais sûrement avoir besoin de trame sonore de même pour... écoute, tu m'appelles n'importe quand, je te donne tout ce que tu veux, mais je serais touché. Bon, boy, c'est quoi, c'est une déclaration, ça? Oui. Ben ouais, je donne tout ce que tu veux. OK. Je prends ça de même. Je suis mal à l'aise. Mais c'est la seule toune que j'ai retenue de cet album-là qui est, disons-le, assez intolérable, merci. Celle-là était un petit peu plus accessible, mais le reste est vraiment plat du début à la fin. On est quasiment surpris. Sinon, ben, on va passer plus près de chez nous maintenant à Florian Labelle. Florian Labelle, c'est lui qui... je vais baisser le son parce que là... C'est trop. C'est lui qui faisait un faux live à Salaberry de Valleyfield. Donc, en fait, il a enregistré ça chez eux, puis il fait semblant d'être à Salaberry de Valleyfield. Oui, qu'il aurait pu choisir d'être n'importe où, là. C'est ça. Puis là, il y a son présentateur, puis il y a des applaudissements en canne. Fait que là, ici, il va nous chanter une chanson de circonstance. Vous allez voir, c'est beau. On reconnaît la foule. Merci Florian Labelle. Parce qu'il vient de faire un monologue, fait que les gens rient. Je pense apprécié le de Oui, il rit. Il rit de son monologue. Alors, dites-moi, Florian Labelle, vous avez une prochaine chanson à nous présenter? Certainement. Et pour l'occasion, j'ai choisi une chanson. Pour le temps des fêtes, j'ai perdu mon dinde. Alors on vous écoute, allez-y. J'ai perdu mon dinde. J'ai perdu mon dinde. J'ai perdu le genre de mon dinde. Il a commencé par cet ternement, là. J'ai perdu mon dinde. J'ai perdu mon dinde. Quelle marque a-t-il ton dinde? Quelle marque a-t-il ton dinde? C'est une dinde de quelle marque? C'est Butterball. Il y a une belle grosse tête. Pareil comme toi. Quoi bien que c'est toi. Viens, on se pote, toi. J'ai perdu mon dinde. On avance en tout cas, là. Le lasseur, il sait que son dinde, c'est pas lui. C'est pas lui, toi, là. Quel marque a-t-il ton dinde? C'est clair qu'elle est meilleure que la première toute. C'est sûr. Ouais, c'est plus intéressant. Le grand élan. Pareil comme toi. Quoi bien que c'est, oui. Viens, on se bat. Ah, encore! J'ai perdu mon dinde. Il a fait combien de fois, là? T'es-tu rendu au bout? Non, vraiment pas. On est rendu à peu près au tiers, je te dis. Parce que là, il l'a fait deux fois, là. Ah, c'est à l'infini, là. À l'infini. C'est clair que les back vocals, ils n'ont pas de dents, là. Ah, non, c'est sûr. Ça, c'est vrai que ça s'attend. Il y a sa femme parmi les backs, d'ailleurs, qui fait quelque chose. Pour essayer de faire des harmonies, quelque chose, je sais pas. Il y a un coussin de pète aussi, hein, dans les back vocals. C'est ça, il y a sa femme, puis un coussin de pète. En même temps, je trouve que ça sonne en chanson funéraire. Là. Quand les bacs embarquent, là, c'est hop là, c'est pas loin du mineur. Là. Oui, ah oui, c'est vrai. T'as-tu une petite passe là, au piano là, qui gagne. Un peu plus ralenti aussi, tu sais. Ouais. On baisse ce tempo là, puis c'est dark là. Ouais, c'est même diminué, je dirais, plus que mineur. Là, c'est la valse du Baron Samedi. Presque. La valse du Baron Samedi de Valleyfield de Salaberry. Hey, Simon Prêche, tu pourrais être bien à manger pour nous faire une version dark de la dinde de Noël. Ça peut se faire. Oui, ça serait bon. Aïe, passe-en un autre, là. Je pensais pas qu'on resterait longtemps comme ça, celle-là. Bravo tout le monde. On a perdu notre dinde. On est encouragé par l'affiche de Gilbert Delorme. Oui, qui est notre troisième invité cette semaine, hein, l'affiche de Gilbert Delorme. On y arrive, il va avoir quelque chose à dire bientôt. Là, on va passer maintenant à Francis Martin. Yeah! Avant qu'il s'appelle James Cayfield. T'aurais pu le mettre dans les cas, ouais. Ouais, mais là, je voulais le mettre plus vite, fait que je vais le mettre dans F. Et là, on écoute un succès souvenir de 92. Rocket. Ça, je m'en souviens, ça finissait le numéro 1 au top 5 de Musique Plus chaque jour. C'est ça. C'est comme ça. Groove. Ça me rappelle Mitsu. Ah ouais, ben pas la voix. Moi, ça me rappelle notre liberté. On la salue. On la salue. C'est la liberté d'Evelyne est à l'écoute. Je l'appelle sur le même beat que 1986 de Jean Leloup avec les cymbales en arrière. Hein? Ouais. C'est vrai. Vraiment. Un peu de plagiat. Mais il y a le charme de Francis Martin dessus. En plus, ça me rappelle comme les garçons. En 1990. C'est la mort. En 1990. C'est pareil, hein? Ouais, c'est vraiment normal. Faut que tu sois vraiment malade que cette chanson. Allez, le gars, il dit Rocket au baby Rocket, attends pas que je m'en aille. Non, ça. Ça veut dire branle-moi, ça, c'est ça? Forcément. C'est probablement ça, oui. Francis Martin a une carrière vraiment géniale. C'est un des grands fleurons de la relève en musique francophone quand on commence les années 90. Et pas longtemps après, quand on commence les années 90, c'est vraiment un asti fatigant. Il a commencé dans une chorale d'enfants, comme Simon Prêche. Puis c'est aussi un hostie fatigant, à ça. Tu vois? Okay, on sait comment que ça fonctionne, les chorales. Hein? Voilà. On n'envoyait pas ses enfants là-dedans. Message aux parents. Il veut-tu nous dire quelque chose? Bon, j'ai un dernier F pour vous autres. Là. OK, good. Il s'agit de la très célèbre flash de lumière. Oh, du Mercedes-Benz. Oh, ouais, wow. Je me disais qu'on pourrait juste en mettre un petit bout. Le pire, c'est qu'il y a des gens qui l'ont acheté, cet album-là. Hein? Ben oui, oh, c'est ça. Pour que je puisse le downloader. Plus que du monde, je pense. Plus qu'on le voudrait, maintenant. Genre numéro 1 chez Archambault pendant plusieurs semaines. Là. Oui, c'est vrai. Hein? Oh, oui. Ouais. Puis ceux qui se le demandent, c'est un mode d'emploi. Là. C'est vraiment ça qui chante. Ouais. Comment faire pour flasher des lumières? Fait que tout le monde à la maison, si vous voulez, on peut le faire flasher nos lumières, là. Flasher-les toutes, là, à grandeur du Québec. On met dans le jour, ça éclaire pas. On a un hélicoptère en ce moment, là, c'est... Puis là, on veut vous voir flasher vos lumières, ouais. OK? On vous dit pas l'hélicoptère est où, mais si vous êtes dans la région, vous gagnez un T-shirt avec une Nissan Sentra dessus. Là, la semaine passée, on a appelé Hydro-Québec pour leur demander si ça pouvait causer un problème. Ils nous ont dit non parce que c'est comme sporadique. Fait que là, on essaye de flasher nos lumières tout en même temps pour fucker le système électrique. Ça va être go! Tes lumières! Et après ça, on défonce l'autre émission d'après. Tant pis, on continue. Ça, c'était beau aussi parce qu'il l'a fait à la première émission. À deuxième. La deuxième, la deuxième, ça? Ouais, je pensais que c'était la première. Ah moi, non, c'est vrai, il l'a fait à la première. Il l'a fait à la première émission, puis le Guy faisait « Ah, je sais pas, faut que j'aille fourrer Nathalie ou quelque chose, là. » Oh, là, ben... Quoi, c'est pas ça qu'il avait dit? Non, je pensais qu'il avait dit ça. En 96, elle était à Cuba. Fait que, ah, c'est bon. Elle chantait « Reste amis, toi et moi, on est un tandem. » Oh, bon, encore un autre message dans cette chanson-là. Fait qu'il fallait qu'il s'en aille, puis là, finalement, ils ont décidé que c'était correct, qu'ils pouvaient défoncer, puis depuis ce temps-là, ben, jusqu'à la fin de l'émission. Après ça, sorti l'autre chanson-là. « Si tu veux m'essayer, c'est pas un problème. » j'aime bien celle-là. Ah, ouais. Elle est moins connue, mais sur YouTube, entre autres. C'est un peu underground. Ouais, elle la chante à Michel c'est Louvain, du, c'est, oui, c'est du Nathalie Simard underground. j'ai trouvé le CD en bootleg, moi. Hey, de quoi qu'on parle, les gars? Respectez la Mercedes Band, là. C'est vrai. On se laisse emporter. Non, il n'y a pas tant de degrés de séparation entre le Mercedes Band et... C'est vrai que c'est léger comme degré. C'est vrai que Jean-Marc ressemble à Nathalie. Aussi. Ouais, ben ils partagent le même. Il y avait le même gérant aussi. C'est vrai qu'ils ont le même humour. Aïe. C'est Bourbon Gautier qui a écrit cette chanson-là. Bourbon Gautier qui est un Acadien. Ah, écoute. Moi, j'en ai appris pas mal. Rock Voisine. Non, Rock Voisine, c'est pas un Acadien, c'est un Bryon. Vient de la région d'Edmundston, qui, selon certains sociologues et étymologistes, une souche particulière qui n'a aucun lien avec les Acadiens ou les Beaucerons qui sont juste en haut à gauche. J'ai fait mes recherches, moi, sur Rock Voisine. C'est le gars, qui a reçu l'ordre des arts et lettres du gouvernement français, le plus jeune de toute l'histoire du pays. Pour vrai? Ouais. C'est celui qui a. Le Canadien, mon gars, là, qui a réussi à amener le plus de monde dans des salles dans une tournée en Europe. Battu Céline encore, c'est lui le top. Hey, ça tombe bien, j'avais pas testé Céline à soir. J'ai nous voyageur, tiens, tiens. Fait que ça tombe bien. Super bien. DJ George, Flash tes lumières a vraiment réveillé toutes sortes d'affaires de toutes sortes de personnes ici. Ouais. Je vais tracer, on va écouter une toune, là, essayer de se remettre de nos émotions pour revenir vers. En demander à Alex et tout. Parce que, en fait, dans le clip, dans le film de Docteur Alien, à un moment donné, il y a une toune intra-diégétique. Puis moi, je les aime tout le temps, ces affaires-là. Il y a comme un clip pour nous sauver 5 minutes de tape. Là, faut pas dire ça de même, faut dire autrement. Là, mais ils ont juste à le faire autrement. Fait qu'on écoute ça, ça vient de Docteur Alien, c'est 1989. À quelque part dans l'histoire, le héros, il a besoin de se faire la fille. Fait qu'il décide de devenir chanteur. Les sexes mutants, ouais. À 70%. We'll be right back. Take my breath away. Take my breath away. Le bleu des regrets amène mon souffle un autre place. Simplement okay. Corbin pour ses fans féminins. On va retourner avec des nouvelles. Plus de 3 ans après s'être fait voler sa Honda Accord 1996, Amanda Pagani se l'est fait rendre avec quelques modifications. Équipée d'un moteur V8, vitres teintées, mag et système d'injection custom, la voiture jadis humble est prête pour les courses de rue. La maîtresse de 8e année qui ne sait pas conduire manuel devra apprendre puisque sa transmission a aussi été changée. Des amis lui ont déjà proposé de lui montrer tout ça, évidemment, si elle décide de garder la voiture, car pour l'instant, elle a reçu plusieurs offres d'achat de passant et même de son facteur. Wow. Voilà. C'est allé jusque-là, là. Ouais. Moi, j'aime ça, Bruno, les nouvelles que tu nous ramènes. Ouais. Des fois, il y a des bonnes nouvelles comme ça. Ah oui, c'est ça. C'est la bonne nouvelle, Corbin, de la journée. La bonne nouvelle, Corbin. Ben, c'est comme le Danemark. Ça va bien au Danemark, là? Ah ouais, ben oui. Papier de toilette. Ah oui, il y a un autre. D'accord. Hey, on va y aller avec celle-là. Celle-là est rough, puis je suis pas sûr s'il y a un vrai, là. Fait que je vous la fais. Je me suis fait proposer par beaucoup de monde cette semaine. Fait que je vais la faire pour faire plaisir. Okay. Alors, Pearl Carter, 72 ans, est supposément entré en relation avec son petit-fils de 26 ans, Phil Bailey. Carter, qui avait dû mettre sa fille unique, Lynette Bailey, en adoption après être tombée enceinte à 18 ans, avait essayé de la retrouver sans succès. Elle avait abandonné les recherches il y a 15 ans. Ce n'est que récemment que Phil a entamé des démarches afin de retrouver sa grand-mère après que sa mère soit morte. Pearl a affirmé qu'au premier coup d'œil, elle savait qu'il ne pourrait avoir une relation familiale normale. « Pour la première fois en longtemps, j'ai senti ma sexualité revivre », a-t-elle affirmé. Ils ont commencé à sortir, allant au restaurant, au bowling, puis un soir, Pearl a invité Phil à s'asseoir sur son lit, elle l'a embrassé, et contre toute attente, il ne l'a pas rejeté. Il ressentait la même chose pour sa grand-mère. Maintenant, Pearl utilise sa pension pour payer les quelques 54 000 $ de sa mère porteuse qui donnera un enfant au couple. Dieu m'a donné une deuxième chance, je vais enfin être mère et ne pas avoir à abandonner mon enfant. Voilà. OK. Corbin tout de limite. Limite. Aïe, Evelyne, ramène-nous donc dans le monde de la réalité avec Annie Dufresne. Ben là, ça va être un petit peu difficile. Puis il y a Israël qui est arrivé, je pense à ça. Bonjour Israël. Salut. Israël, le forgeron. Ben oui, je suis contente, moi, puis Israël, on va peut-être pouvoir vous raconter des anecdotes de voyage. Israël, puis moi, qu'on dit. Ouais. Ah, j'ai dit moi puis Israël. Ouais. Ma mère aussi, elle me disait tout le temps. C'est du narcissisme aigu, je pense. Exactement. Voilà. C'est clairement ça. La différence. Bon, parle-nous d'Annie Dufresne. Ben mais oui. Dans le fond, je voulais juste revenir un peu parce que je l'ai fini, le livre. Puis à la fin, je voulais juste vous spoiler le punch de la fin. Je voulais vraiment vous gâcher le punch. Donc, en gros, c'est quoi l'histoire? En gros, l'histoire au complet, c'est une fille qui fait des tatous, dont ses tatoueurs de père en fiche chez elle. Elle, c'est la meilleure. Amana décide d'arrêter de faire des tatous parce que ça lui convient plus. Les tatous lui parlent, puis ça devient un poids trop grand à gérer. On a un pouvoir surnaturel. Sa schizophrénie galopante. Puis elle croit en Dieu. Puis Dieu lui parle, il lui envoie des emails, il lui parle en rêve. Et puis Dieu aussi, elle lui envoie l'archange Gabriel pour lui annoncer que elle est l'heureuse élue pour être la mère porteuse du Saint-Esprit. Donc, on lui offre de porter l'Esprit Saint. Elle est Dufresne. Je fais juste un background. OK. J'avais compris. Elle est-tu vierge? Ah, ben non, elles sont le cycle. Ben oui, c'était écrit en arrière, tu sais. Puis, oui, fait qu'elle est comme prise là avec la superficialité de la vie là, sa meilleure amie, elle veut se faire refaire les boules, puis là elle est pas d'accord. Fait que là elle rencontre une fille qui croit en Dieu, puis là ça devient son amie. Puis là quand Dieu quand Gabriel vient la voir pour lui demander d'être la mère porteuse, elle dit non, elle veut pas. Puis là, l'archange Gabriel lui dit, ben là, tu vas te confronter à la colère de Dieu. Oui, c'est pas de même, ça marche. Puis là, ben elle le croit pas, ben c'est ça. Puis là, elle le croit pas, elle dit, ben non, tu sais, Dieu est bon, Dieu est aimant. Mais finalement, la colère de Dieu lui tombe dessus. Ben. Son père essaye de se suicider, sa meilleure amie meurt en se faisant refaire les boules. Son amie chrétienne, à qui elle avait offert un vibrateur pour découvrir son corps, devient folle et possédée par Satan, par la puissance de Dieu. C'est Dieu qui organise une possession par Satan. C'est, voilà. C'est bon. Sacrement. Voilà. Que cela est juste et bon. Ça, c'est-tu le brainstorming ou c'est le livre? Ça, c'est le livre. Là. Okay. Fait que là, t'es rendu à la fin, et c'est ça le spoil? Ben, c'est ça. Ça finit que elle tombe enceinte du Saint-Esprit et on y apprend que quand on est enceinte du Saint-Esprit, sur le test de grossesse, ce n'est non pas un plus qui apparaît, mais une croix qui flash entourée d'une lumière blanche. Ah, c'est bien fait. Sur le test de grossesse, ben ouais, c'est parce qui va être vendu au Golden Palace dans pas longtemps. Ça nous ramène à Jean-Marc Parent, en plus, c'est merveilleux. Oui! Oui! Oui! Flash ton test de grossesse si tu t'ennuies. Excellent, ça. Ah ben, moi, je dis qu'on va peut-être parler de Niagara un petit peu plus tantôt, d'abord, si vous voulez développer, avoir un peu plus de temps. On n'a pas encore parlé du film, puis on n'a pas encore dit salut à notre ami Alex non plus. Non, c'est ça. Ça veut dire, ben, merci beaucoup, Evelyne Potvin-Cloutier. C'était quand même probablement la seule personne qui entend cette émission-là qui va être passée au travers de ce livre-là au complet. Ah, c'était super plate. Moi, je dis plus ou moins deux. Et ta puis grâce à toi, on n'aura pas besoin de le faire, là, nous. Bon, ben, une petite seconde de silence pour Evelyne. Elle longue la seconde. Hey, Alexandre, là, j'ai un petit peu de misère avec ton nom de famille. Il est un petit peu, c'est voyons, côté Fournier, c'est ça? Ben oui, hey, voilà. J'ai de la misère. Ouais, c'est ça. Hey, toi, je veux dire, t'es revenu nous voir de manière bénévole et tout? Ben oui, bénévole, certain, là, je veux dire. Ah ouais, toi, t'as pas le cachet. Il y a des belles choses ici, là, il y a des belles choses ici. Je suis revenu, là, C'est quoi, t'as complété encore ton œuvre en rajoutant une autre brique à l'édifice qui devient tranquillement un album? Ouais, on pourrait voir ça comme ça, là, un album, là. Ben, c'est sûr que plus j'écris des nouvelles tunes, plus celles que j'ai écrites il y a longtemps, je commence à moins les aimer, fait que... Fait que l'album ça s'écroule à mesure qu'il se construit. Mais j'ai écrit une petite toune dernièrement. Là, puis c'est comment qu'elle s'appelle, celle que tu vas nous jouer? Elle s'appelle Comme ton papa. Hein? Comme ton papa. J'ai écrit ça pour un enfant éventuel, là, d'un coup qu'à un moment donné j'ai un enfant puis que j'ai plus le temps d'écrire de toune. Comme Jonathan Pinchot. C'est ça, à peu près ça. Là, Jonathan, lui... Il a l'air de continuer pareil, là, mais moi, d'un coup, je continuerai plus à cause d'un enfant. Ben, j'ai écrit la toune tout de suite. Là. Belle chanson père-fils à la Cat Stevens. Là. Bon, ben, on va écouter ça, certain, avec l'ambiance feutrée qu'on nous connaît. Il était une fois des choses qui n'arrivèrent pas, car ton cher papa était resté dans les draps. Oui, je suis inutile, j'aime la station immobile, et voici l'enseignement que je te transmets, mon enfant. Non, il ne faut pas que tu fasses rien de ta vie comme ton papa. Il était une fois l'ambulance qui n'arriva pas, car on demanda le chemin à ton papa. Et une autre fois, une grand-mère qui n'arriva pas à survivre au repas qu'avait cuisiné ton papa. Oui, je suis inutile, je me trompe de domicile. Voici les mots savants que je... je te transmets mon enfant. Non, non, non, non, non, non, non, non. Il ne faut pas que tu fasses rien de ta vie comme ton papa. Non, non, non, non, non, non, non, non. Il ne faut pas que tu fasses rien de ta vie comme ton papa. Ne gaspille pas l'autre moitié du pain. Le 20 janvier, enlève ton beau sapin. Écoute les gens importants quand ils parlent, sois comme Grégory Charles. Merci, merci. Tellement de vérité. Ah ouais. Je te dis, j'en ai un fils, là, puis ça m'a vraiment venu me chercher, là, cette cool, film-là. Cool. Je vais y faire jouer ça en arrivant. Puis tu vas aller checker la map pour l'ambulance aussi. Ouais. Oh, ouais, ouais, c'est ça. Je vais prendre les cours de cuisine. Hey, ben, merci beaucoup, Alex. C'est tout le temps un plaisir. C'est... Hey, pour retourner dans un propos un petit peu plus lourd à 70%, je vais vous présenter un petit peu le film, là, parce que j'en ai pas encore parlé de Docteur Alien. On vient quand même d'écouter des sexes mutants qui nous ont... Oui, c'était bon. Alors, mets les dons pour voir. Non. Kill the machine! À un moment donné, dans le film, le héros, là, il arrive de quoi, là? Tu sais, c'est un film des années 80, là. Puis là, non, dans ce temps-là, il arrivait tout le temps de quoi. Oui, il arrive tout le temps de quoi, les années 80. Puis... Mais dans le fond, c'est qu'il est loser, puis là, il arrive de quoi, puis là, il arrête d'être loser. Comme Spider-Man qui se fait mordre par la petite araignée, là. Mais là, on est le lendemain que Spider-Man s'est fait mordre, sauf que là, il n'y a pas Spider-Man. Okay, ouais. C'est le héros, il s'appelle Wesley Little John. Ouais. Là, il décide de prendre le char parce qu'il dit « Je lui ai même pris, là, l'après-matin, déjà une peau, pas besoin, on va manger des chips. » Fait que là, il s'en va dans l'auto, là, on paye plein. Tu sais, il y a la trame sonore de Spider-Man qui vient de se lever, après ça va être fait. Aujourd'hui, j'avais quelque chose de très important à faire. Hé, hey, je peux vous déposer? Est-ce qu'on se connaît? Je m'appelle Wesley. On va écouter ça, c'est moi, le nouveau venu à Corman. Je vous vois passer par ici tous les matins et j'ai pensé que peut-être je pouvais vous amener. Allez, montez. J'ai violé aucune fille depuis au moins une semaine. Donc, ça va me faire plaisir de le faire reculer un petit peu. On va réécouter son argument final. J'ai pensé que peut-être je pouvais vous amener. Allez, montez. J'ai violé aucune fille depuis au moins une semaine. Qu'est-ce qu'elle répond? D'accord. Ah, ok. Donc, on a du plaisir en studio. C'est un David de Coteau, c'est David de Coteau et David de Coteau, ben, qui se souvient de Speed Demon, on lève la main, et voilà. Qui se souvient des sangsues mutantes qui dévorèrent une équipe de natation au complet sans que personne ne cherche de perte de séance de bain libre ou que personne ne mène une enquête réelle? On lève la main à la maison. Et voilà, oui, une tout le monde. Une personne sur deux, hein, quand même. Hein. Ce soir... Ce soir, ce ne seront pas des ralentis inélégants ou les poitrails de mâles imberbes qui seront au centre du propos. C'est plutôt l'univers du mâle adolescent libidineux que l'on va explorer, et de manière humoristique. Loin de respecter la logique simple qui veut que l'on ne chie pas ou l'on mange, de Coteau nous sert un de ses mets relevés au relent de Nerds, Meatballs, les branchés du Bayou, ou plus canadiennement, Porky. Porky. Un grand film. Hein, Porky, t'sais. Ah, mais tiens, Porky. Peut-être qu'on a un début de réflexion ici avec Porky. Parce que savez-vous que Porky, en 1981, c'est le film dans lequel Kim Cattrall se fait mettre en levrette en hurlant comme un coyote, là. Porky, là, c'est le film canadien. Parce que c'est un film canadien qui a généré le plus d'argent de tous les temps. Non. Ouais, ouais. Puis même si on ajuste à l'inflation les bénéfices de Porky, on est encore loin au-devant de Bon Cop, Bad Cop. En fait, on est plus du double en avant. Ben, les gens n'ont jamais arrêté de louer ce film-là. En non. Plus, Porky, qui est une institution. Porky. Il y a du monde qui me l'ont fait réécouter en Italie en 2005. Porky, un film fort dans le domaine de la comédie. Ça nous ramène à une époque d'avant, à une époque où la classification des œuvres se faisait en trois étapes. Un, pour tous, c'est la catégorie qui incluait tous les dessins animés, sans exception. Hein? Ensuite, il y avait en deuxième, il y avait 14 ans et plus si on voyait un mamelon de fille. Et en troisième, c'était 18 ans et plus si quelqu'un se retrouvait bandé devant la caméra. De nos jours, j'aime simplifier la classification en « si tu peux pas le voir là, va checker sur le net ». On vient peut-être d'expliquer pourquoi De Coto, en 1989, voyait encore un restant de demande de comédie folichonne prétexte à montrer des boules à des adolescents en exploration de leur corps. Et comme De Coto a fait ses classes avec Roger Corman au début des années 80, Roger Corman qui n'a fait que de la qualité. On continue à expliquer quelques-unes des tendances esthétiques divergentes de Dr. Alien. Mais, comme pour le reste, expliquer et excuser sont deux choses totalement différentes. Vraiment différentes. J'aimerais ça, peut-être que DJ George, tu pourrais... Ah non, on va mettre un bout du film encore. Ah oui, parce que je veux en savoir plus, moi. Tu veux en savoir plus sur Dr. Alien. Là, c'est quoi, je voulais le bout où il s'en retournait dans le char. Ah oui, parce qu'il se cruise. Là, ils sont dans l'auto, puis c'est la première fois qu'ils se retrouvent avec la fille tout seul dans l'auto. Puis là, l'araignée qui a piqué Spider-Man, mais qui n'est pas une araignée, là, mais commence à se manifester. Là, on va écouter ça. On revient à 70%. Je me sens pas très bien. C'est alors, je pensais pas que j'embrassais si mal. Non, ça n'a rien à voir. C'est sûrement un machin que j'ai mangé. C'est probablement ce hot dog au chili. Attends une seconde, je crois que j'ai quelque chose pour la digestion difficile. Ça n'était pas une pastille qui allait résoudre ce problème. Je crois que ça se déclenche. Je me demande quel genre d'effet ça peut avoir sur les autres de sa race. Oh, j'aurais juré que j'en avais un dans mon sac. Oh, j'ai des cachets d'aspirine. Tu as mal à la tête? Un peu, ouais. Dans ce cas, tu sais ce que je vais faire? Quoi? On va s'envoyer en l'air. Léane? Tu veux de moi? Alors vite, j'en prie. Viens et prends-moi. Léane! Prends-moi, allez. Tu es un homme et moi une femme. Oui, jusque-là, je suis d'accord. Alors ne m'en repousse pas. Et quelque chose me démange, viens donc le gratter. Ah, tu pourrais peut-être regarder ce que c'est. Regarde, c'est ça. Oh. Ah. Les vibrations deviennent très fortes. Même à cette distance, je peux les sentir. Quelle volonté, c'est remarquable d'arriver à résister à cet appel. Oui, je n'aurais pas pu y arriver si vous n'aviez pas attaché ma ceinture de sécurité. Écoutez, Anne, t'es très attirante. Toi aussi, tu es très attirante. C'est vrai, je passe une très bonne soirée. Question d'encore vous faire chier. Je vais vous parler d'un autre tueur en série. Ed Gein, un autre de mes préférés. Ed Gein. Techniquement, il a tué juste deux femmes, mais c'est sa folie qui l'a condamné au poste de légende aux États-Unis. On a cependant retrouvé chez lui des restes provenant de corps si nombreux qu'il a été impossible de découvrir combien de personnes il aurait mutilé. Ed Gein. Le tueur en série qui a inspiré le plus de films, même si l'histoire réelle est plus effrayante que n'importe quel de ses longs métrages, notamment Psychose, Texas Chainsaw Massacre, Deranged en 1974, La Fif dans le silence des agneaux et Ed Gein de son nom en 2000, mais je vous le suggère pas, c'est de la merde ce film-là. N'empêche, on va parler un peu d'Ed Gein, on va raconter son histoire. Ed Gein, né le 27 août 1906 dans le Wisconsin, dans la ville de Plainfield, l'un des plus célèbres tueurs en série. Surnommé le boucher de Plainfield, il n'a pourtant tué que deux femmes, mais c'est le personnage torturé qui bouleversera l'Amérique. Élevé par une mère très possessive et extrêmement croyante, catholique, qui le priva de tout contact avec les enfants de son âge, vivant comme des ermites dans une demeure sombre et réclue au fin fond des bois, Il lui est interdit de fréquenter des filles de son âge sous prétexte que les femmes faisaient figure d'immoralité, de débauche et inspiraient un profond dégoût. C'est dans une continuité logique qu'Ed Gein, voyant en sa mère l'image d'une femme parfaite et droite, nourrit peu à peu une admiration sans pareille pour Augusta, sa mère. Toute sa vie, il gagnait quelques sous en rendant des services à tout le voisinage, allant de la peinture jusqu'à la maçonnerie, ou réparation de choses et d'autres, étant vu comme un simple d'esprit serviable. Son frère, Henri, qui ne partageait pas cette adoration et menait une vie plus normale, lui, en fit souvent le reproche. Peut-être faut-il voir là la cause de son décès dans des circonstances étranges. Il serait mort en tombant dans un feu de broussailles qu'il avait lui-même allumé. Et Edouard, qui n'était pas parvenu à le retrouver, menant directement le secours à son corps lorsqu'il revint accompagné. Le frère portait de bizarres traces sur le visage qui n'avaient rien à voir avec une mort par asphyxie. Mais à l'époque, le drame et la douleur de la famille étaient si grandes que les enquêteurs n'ont pas posé plus de questions. Connaissant Ed aujourd'hui, on se doute bien qu'il a assassiné son frère. Quelques années plus tard, alors qu'il avait 39 ans, le décès de sa mère lui apparut comme une véritable catastrophe. Livré à lui-même pour la première fois, il refusa cette mort et tenta tout pour la faire revivre, en commençant par des incantations devant sa tombe, qui ne se produisirent pas. Aucun résultat. Il déterra le cadavre de sa mère et continua ses expériences en essayant de la ranimer grâce à la magie noire. Face à ses échecs, il commença à la dépecer. Il se fit un costume fait de la peau de sa mère. Le scalp, le torse, le sexe, le bassin et les jambes. Il raconta à la police qu'il portait le corps de sa mère en cérémonie à chaque pleine lune. Se découvrant une passion pour la littérature traitant sur le corps humain, notamment le cannibalisme et l'embaumement, il se mit alors à déterrer des cadavres frais du cimetière de Plainfield et découpa leur peau pour se faire des habits humains de femmes riches et autres babioles. Désormais laissé seul à lui-même, il laissait libre cours à ses fantasmes les plus ignobles. Et il était en proie à une psychose qui va le faire sombrer dans les méandres de la folie et de l'animosité. Dans sa maison, la police trouva un mobile avec des nez humains, une ceinture faite de mamelons, un crâne transformé en bol de soupe, morceaux de cadavres dans des bocaux, une paire de gants, un abat-jour, des chaises recouvertes de peau humaine. Sa maison était un monstrueux fouillis, lui qui ne jetait jamais rien. Il avait un malin plaisir à mutiler ses cadavres en décomposition, mais il semblait si inoffensif que personne au village ne pouvait se douter de l'horreur dans ses yeux. Il niera en bloc toute relation nécrophile avec l'un de ses corps, en affirmant qu'il ne trouvait de jouissance qu'en retirant la peau du cadavre pour la tanner et en faire un costume. Il kidnappa en 1954, par contre, Mary Hogan. Elle fut portée disparue et Ed Gein ne fut jamais questionné. On retrouva la tête de Marie chez lui, dans un sac en papier, quelques années plus tard. Il continua à déterrer les cadavres. Personne ne se doutait de rien. Jusqu'en 1957, il kidnappa la barmette du coin. Mais cette fois, il y avait un témoin. La police descendit à la maison de Ed, la porte d'entrée étant barrée. Ils sont allés par le cabanon. Ce qu'ils y découvrirent grava leur mémoire à tout jamais. Ils y trouvèrent la barmède en question, attachée par les pieds, sans tête et ouverte du thorax jusqu'aux jambes, comme un chevreuil. En fait, il a certainement beaucoup plus de victimes à son actif, dont son frère. Mais son procès fut limité par souci d'économie. Le comté dont il dépendait n'était pas très riche et ne pouvant s'offrir un procès à plusieurs millions de dollars. Il fut arrêté en 1957, inculpé après de terribles et macabres découvertes dans sa ferme. Edward Gein mourut en 1984 d'une insuffisance respiratoire à 78 ans, en institut de gériatrie, où il fut placé 6 ans auparavant après un long séjour en prison. Après son inculpation, sa maison, ses affaires, sa voiture et son terrain étaient censés être mis en vente, mais durant la nuit que précéda l'encan, la maison a brûlé en entier et personne ne fut accusé pour l'incendie. Néanmoins, aucun fou criminel ne m'empêchera de vous dévoiler. Vous avez deviné... Les potins dont tout le monde se crise de cette semaine. Oh yeah baby, il s'en est passé des affaires. Alors tout d'abord, nous avons Paris Hilton qui prépare son deuxième album. Ah, oh yeah. Ah, pas encore compris je pense. Nous avons aussi Beyoncé et Jay-Z qui déménagent à la campagne. Oh, ils sont tellement cute. Ben oui. Hey, on a Demi Moore aussi, c'est prouvé. Elle est obsédée par le sexe. Ah, ils sont pareils comme nous autres. Ben oui. C'est, comme, c'est presque des vraies personnes. Et en conclusion, c'est pas une grosse exclusivité. N'empêche, j'aime le faire remarquer. Céline Dion s'est acheté un parc aquatique privé. Alors, tout le monde en parle. Alors, ça va vous faire quelque chose à jaser cette semaine. Si vous avez un souper de famille, à la semaine prochaine, je vous reviens peut-être dans un état normal où je vous parlais d'autres monstruosités. On verra. Selon mon humeur. Merci, Simon Préjean. Okay. Plaisir. Bon, on va passer au travers en sapristi. OK, une petite toune ici, là, ça vient de notre commanditaire de la journée parce qu'on a décidé que c'était lui. Là. Des fois, on décide que c'était un autre, mais aujourd'hui, c'est lui. On l'aime bien. Tu me diras ce que t'en penses. Allô? Je me suis levé au matin avec le goût de me prendre en main dès aujourd'hui. Ça fait longtemps que je sens qu'en moi y a une idée qui fait du chemin et qui grandit. J'ai ça dans le goût. Oh, ok. J'ai ça dans le goût. J'ai ça dans le goût. Wow. Ça donne à réfléchir, en hey, vas-y Bruno. D'accord, alors des prisonniers britanniques ayant battu leur dépendance aux drogues dures alors qu'ils étaient incarcérés et qui sont considérés comme à risque de retomber dans la drogue passent par un procédé appelé retoxification. On leur donne des doses de substances comme la méthadone, substitut à l'héroïne hautement addictif, afin de minimiser les risques d'overdose. Beaucoup de critiques se sont levées contre cette pratique, affirmant que cette revente de drogue sponsorisée par l'État donne l'impression que le gouvernement a abandonné le projet d'enrayer le problème. Le département de la santé affirme que cette pratique n'est utilisée qu'en cas extrême et que toutes les solutions sont étudiées avant d'en venir à la retoxification. Pour l'instant, l'intervention a été pratiquée sur plus de 460 prisonniers dans les 5 dernières années. Ouais, de toute manière, tout le monde sait que la répression, c'est la meilleure solution à un problème. Ouais. Voyons, ils sont en train de se plaindre de quoi. Hey, pour terminer, un distributeur de viande allemand a une nouvelle solution pour les factures non payées. Après une dispute dans les cuisines d'un restaurant à Aachen, le vendeur a décidé de reprendre possession des pièces de viande non payées, incluant celles qui étaient en train de mariner ou même celles qui étaient déjà cuites. Constatant que ce n'était pas assez, l'homme s'est dirigé dans la salle à manger afin de prendre les steaks dans les assiettes des clients. La police arrivée sur les lieux a affirmé qu'aucune offense n'a été commise. Oh. Ouais, non, techniquement. Voilà. Si le gars n'est pas payé, c'est encore la viande du fournisseur. Exactement. Bon, bravo. C'est le fun. Wow. On est au courant de tout ce qui se passe là. Ben oui. C'est comme à Niagara, là. Moi, j'ai une petite trame de fond. Là. C'est eux autres qui me l'ont demandé. C'est la toune 3, tu sais? Ah, ben oui, c'est vrai. Moi puis Israël, la dernière journée qu'on était là, on est parti à la recherche de l'explosion culturelle de Niagara. Ouais, parce que Niagara, est-ce qu'il y a une explosion culturelle? On a découvert ce ben-là, ça s'appelle comment? Skinner? Je m'en rappelle pas. Ouais, c'est genre Lamb Skinner. Ouais, Skinner Joke, Skinner... Pour No Ears. Non, non, c'est Anyway. C'est Mule Skinner. Ah, c'est Mule ça. Skinner, comme skinner des mules. Ouais. Le tueur de prêtre, lui, skinnait des humains, mais les autres skinnent des mules. Anyway, c'est ça l'explosion culturelle de Niagara, parce que sinon, c'est juste du monde blasé derrière des comptoirs devant des musées de cire. Il y en a 4 en tout, hein? Ah, plus que ça. Mais dans les mêmes 500 mètres carrés, il y en a 4. 4 musées de cire, à place d'en faire juste un gros. Ouais, puis il y a 5 maisons hantées. Puis devant un des musées de cire qu'on a vu, c'est écrit « Nous venons de recevoir Anna Montana ». New arrival. New arrival. Yeah! Je vais aller venir sa face. Est-ce que c'est Anna Montana pré-opération dentaire ou post-opération post. Dentaire? Post. Ouais, non, j'aurais mieux aimé pré. Ouais. Ils ont peut-être les deux, tu sais. Ouais. C'est cool. Peut-être que tu peux juste changer le dentier. C'est ça, les jours impairs. Les nouvelles statues. Il y a Paris Hilton aussi en cire qu'on peut voir de la rue. Ah, on peut la voir de la rue, celle-là. Mais on n'est jamais rentré parce que tout à Niagara, qu'est-ce qui est très bizarre, c'est que tout coûte 10 piastres. C'est un prix standard. Pour c'est un prix standard. Ou bien 9,99 plutôt. Ouais. Fait que si tu veux faire une ride de Niagara, c'est 10$. Ouais, la Grande Roue, c'était 10$. Le musée de tir 1, c'était 10$. Le musée de tir 2, c'était 10$. La maison hantée 3, c'était 10$. Le musée des records Guinness, c'était 10$. Il y a le musée Replay, ça, c'était 12,50. 12,50? Ouais. C'était un espèce de musée de l'absurde, puis on n'a pas pu rentrer, dans le fond. Puis un tour d'hélicoptère, c'est 12 fois 10$. Ouais. d'ailleurs, j'ai fait un tour d'hélicoptère, j'ai pas explosé. Non, c'est bon, bravo! Ben c'est facile ça, si mettons t'avais explosé pis t'étais un espèce de clone de remplacement, tu dirais pas je me suis fait exploser, j'étais un clone de remplacement. Par contre, on a fait un tour de grande roue, pis Israël y avait très peur. Oui, on a d'ailleurs un clip qui le prouve. Ouais. J'espère qu'on a peur. Israël, t'as peur dans la grande roue? Moi j'ai pas peur en hélicoptère. Non, mais t'as peur dans la grande roue. Parce que t'es plus. Tu peux plus tomber parce que t'es pas dans une cabine entièrement fermée, c'est ça? Je sais pas, je pense que c'était plus parce que j'étais assis à côté du pilote d'hélicoptère, puis tu sais, quand t'es assis à côté du gars qui connaît son affaire, tu sens plus safe. Tandis que quand tu le vois en bas avec ses tatouages pis ses piercings à côté de sa manette, vraiment blasé. Ouais, c'est à peu près la même différence que si je suis en char avec Étienne Forêt puis que si je suis en char avec Predge qui est bien chaud. J'ai même pas de permis. Hey, voilà. Encore ça marche. Ah ben merci. Sinon, qu'est-ce que vous conseillez à visiter comme arrêt gastronomique ou D'ailleurs, on a été dans un buffet à Niagara où on n'a pas eu le droit de boire d'eau. Non, c'est vrai. L'eau, ça, c'est 10$, c'est ça? Ouais. Non, c'était 4$, mais c'était toute l'eau que tu pouvais boire, par exemple. All you can drink water. Ça remonte ça à cran dessus de la chute, la bouche ouverte. C'était vraiment dégueulasse dans le buffet, puis il y avait un band qui jouait aussi. Ouais. Il y avait un band qui jouait la cucaracha, c'est la ça? La cucaracha, ouais. Ah, c'est inspirant dans un buffet. Dans un buffet, oui. Sachant que ça veut dire coquin. Attends un peu, là. Là, il y a un buffet. Là, il y a de l'eau qu'il faut payer. Il y a la cucaracha qui est jouée par un band live. Ouais, par deux musiciens avec un clavier avec des Un keyboard puis un violoneux. Un accordéon aussi. Non, c'est vrai, violoneux. Ah non, le keyboardiste, des fois, il switchait l'accordéon sans maudire. Puis là, des fois, il allait voir le monde aux tables, puis on avait fini de manger, puis il commençait à se lever pour aller aux tables. Fait que là, j'ai dit à Israël qu'on allait s'en aller. Elle a dit qu'elle avait soif, mais non. Moi, je la croyais pas. Mais bref, on s'est fait beaucoup de fun. Puis les chutes Niagara, c'est comme de l'eau qui tombe dans d'autres eaux. Ouais, beaucoup. Ouais, il y en a pas mal. Ouais, c'est ça. Tu sais, quand t'es en voyage, là, c'est jamais aussi cool que ces photos. C'est vrai que nos photos, ils ont l'air encore plus. La première impression de ça que j'ai eue, moi, c'est le rocher percé, là. T'envoies des belles photos, pis ça. Hey, écoute, t'arrives là, mon gars. C'est dans la cour arrière de quelqu'un. Et voilà. Donc, continue de regarder les photos en place. Merci bien gros, notre équipe de Globetrotter, vous avez des photos sur Facebook? Vous pouvez aller voir sur le profil à Israël ou sur le mien. Ouais. Bon. On s'est beaucoup rapprochés en fin de semaine. Ouais, on a dormi dans une voiture. T'es-tu en train de nous dire que t'es enceinte, toi, là? Mais non, on n'est pas fourré. Alors? OK. Ah, puis on a vu le vignoble. On a vu le vignoble de Wayne Gretzky aussi, fait qu'on a bu un bon White Wayne. Ouais, on a bu un bon White Wayne. Oh! Il était très bon, numéro 99, c'est écrit dessus. Et voilà, je pense c'était que c'était 9,99, ça aussi. Ça nous amène au monde de DJ Jones, quand Wayne est rendu. Ah, ben, parlant de hockey, parlant de Wayne Gretzky, c'est fou, là, j'arrive d'un G, Gretzky, puis là, on parle de hockey, puis j'ai un disque ici de Gilbert Delorme. Gilbert Delorme qui a déjà joué pour le Canadien et aussi pour les Nordiques et aussi pour les Pingouins puis pour plein d'autres mondes selon Wikipédia. Là. Moi, je parle de même comme si je savais de quoi je parlais, mais en réalité, je lis Wikipédia. Tu parles de Gilbert Delorme. Gilbert Delorme, il a fait un album d'exercice qui s'appelle En forme avec Gilbert Delorme avec un poster géant à l'intérieur. Donc, qui est notre troisième invité. Qui nous regarde depuis tantôt avec la serviette dans le cou qui tient de chaque côté sur son petit suit d'entraînement vert. Avec un placement de produit subtil de Vider en arrière. Donc, on voit comme trois affaires marquées Vider en gros. Et le gars qui a trouvé comme Napoléon était mort. Ah oui? Ouais, c'est Vider. C'est weird, mais ouais. Hein? C'est un Canadien, puis il a trouvé que Napoléon, parce que lui, il collectionnait des artefacts de Napoléon, puis là, il y avait une mèche de cheveux. Puis ils ont trouvé qu'il y avait de l'arsenic dans ses cheveux. Puis c'est parce que les tapisseries sur l'île où il est allé se reposer étaient faites avec de la colle de telle affaire. Puis en tout cas, c'est pas ton affaire de joueur de hockey. Ben ouais, mais c'est intéressant, ça. C'est quasiment plus intéressant. Il est comme allé se reposer pour guérir sur une île tropicale, mais c'est en étant là avec l'humidité. Il n'a pas été plus baigné Johnny dans ce coin-là? Ouais, ouais, c'est un mélange des deux. Il est allé relever de nouveaux défis sur son île tropicale. C'est comme aller prendre du bon air pur à Niagara Falls en travaillant pour une compagnie d'hélicoptères. C'est ça, la Gilles Proulx. Vas-y, man, pèse play. Ben oui, je vous passe ça. Évidemment, c'est plein de tunes des années 80 avec des 1, 2, 3, 4 par-dessus. Alors, je mets celle-là, évidemment. Parce que c'est inévitable. Continuons avec les redressements assis. On peut le faire à la maison. Allez-y. Oh non. Eh oui. God. C'était sûr que j'allais mettre celle-là. Donc là, tout le monde, on fait les redressements assis pendant ce temps-là. C'est la toune des redressements assis. Allez-y, là. Ben, c'est que pendant ce temps-là, t'as affiché le poster géant dans ta salle d'entraînement, puis là, tu le regardes. Tu t'imagines qu'il parle. Ouais. Tu t'imagines que Mr. T vient de tuer Mickey, là. Je sais pas s'il faut suivre le rythme avec le redressement assis, tu sais. C'est pas facile. Parce que quand... c'est ça l'idée. T'es assez vite, là. Tu sais. Non, faut être en forme. Les push-ups! Oh, on change d'exercice. Il y a vraiment une grande contribution. Continuez à votre rythme. Ah, continuez à votre rythme. Pas nécessairement au rythme de la chanson. Ouais, c'est ça. Evelyn qui est fait, c'est beau. Dans le vide, dans du coup. Ça compte. Ah non, mais si tu la baisses, c'est constant. C'est vrai, t'as raison. 1, 2, 3, 4. C'est compliqué, la baisse. C'est fou, en tout cas, faire un album d'exercice comme c'est difficile. Mais les push-ups, c'est encore bien plus dur. Mais je trouve que c'est fun qu'il y ait un DVD. Est-ce que c'est comme les 10 de Claire Pépari? Y a-t-il une feuille dedans avec les photos des exercices? Ben en fait, en arrière du poster, on a la photo des exercices. En bas. S'il avait dit en haut deux fois d'affilée, il aurait fallu qu'il recommence. Fait que ça, j'avoue que c'est pas fort, là. Les photos des exercices sont derrière le poster. Fait que si on colle le poster quelque part, ben là, on n'a plus photo. Le mieux, ce serait de le mettre dans une porte vitrée. Ouais, alors là, tout ça, où tu fermes ta porte, tout dépendant de ce que tu veux voir. Ouais, ici, je regarde le poster et je vois pas les photos des push-ups. Non, ça, je pense qu'il nous les montre peut-être pas, là. Il prend pour acquis qu'on sait c'est quoi. Mais en haut du poster, on parle de l'échauffement qu'on doit faire avant de commencer le disque. Puis là, il y a des petits bonhommes allumettes qui nous expliquent comment ça marche. Et entre autres, ce que j'ai trouvé intéressant, il y a rotation des chevilles. Donc, on commence avec ça. Après ça, rotation des genoux, du bassin. Et quatrième, c'est ouverture et fermeture des mains 8 fois. Donc ça, c'est important de bien ouverture faire ça. Ouverture et fermeture des mains 8 fois. On n'y pense pas souvent. Aussi, sinon, ouais. Après, on fait des push-ups, puis là, on a des crampes dans les mains. Tendez-vous mes mains dans le micro? Il y a la rotation des coudes aussi, qui est intéressante. Le reste, bon, ben, c'est des classiques. C'est qui chante ça, là? C'est un band qui n'est pas crédité, là, qui est engagé juste pour l'album de Gilbert Delorme. Ils s'appellent les Buffers. C'est les ça. Buffers. Regardez, je vais changer de track un petit peu. Il y a le nom des musiciens, mais il n'y a pas le nom c'est du pas band. Pas un band officiel. Sauf que ça. Dans les musiciens, il y a 3 Taylors. Ça veut dire qu'il y a 3 frères qui ont fait participer à ça. Un Ghislain et un George, à passer. Oups, je viens de me rendre compte que cette tune-là ne sera pas très longue. Malheureusement. Un instant. Mettons que le disque saute, là, mettons, c'est un vinyle, tu sais. Fait ouais. Imagine pendant que tu t'entraînes, quand même, mon gars, genre, tu t'en rends même pas compte que tu t'entraînes, puis là, ça saute. Y a-tu un avertissement sur le poster qui dit, comme si ça saute, arrêtez l'exercice pour que le, qu'il n'y ait pas de plein. Non, il en parle pas. En même temps, ça, c'est très 2000. À l'époque, ils prenaient pour acquis que tu comprenais. Ah, OK. Aujourd'hui, ils sont obligés de le mettre. Ils mettent peut-être chaud ces verres de café. Aujourd'hui, quand ils font des vinyles d'exercice, ils sont obligés de l'écrire. Mais tu sais, c'est comme voir un DVD où est-ce que l'animateur il va prendre un café pendant qu'il dit fais des push-ups, tu sais. Ouais, fait que ça, c'est super pratique, c'est vraiment le fun. Oui, je pense qu'on va faire ça. J'aimerais ça faire ça. Mais ça a pas l'air dur en tout cas. Non? Oh ouais. La statue! La statue, ça c'est un bon mouvement. La statue! Fait la statue. Mais la statue, 1, 2, 3, 4, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas. Ben, tu en plus quand même pendant 4 temps. Ah, ok, c'est bon, c'est bon. Oh, lisse, voyons. Puis quand on regarde le poster, ben c'est une photo. Kick avant. 2, 3. Ok, la statue, je regarde l'image, là, puis il faut se toucher une cheville avec la main du même côté. On va plier notre pied, et puis l'autre bras, on lève dans les airs. Peux-tu leur mettre juste ce petit bout-là de la toune? Le bout de la statue? Non, mais quand il dit... Ça va être là, là. Ouais. Les frères Taylor, Est-ce qu'il y a les crédits musicaux? Kick Côté! Ouais, ben c'est ça. Je vais les nommer complet. Remerciements aux musiciens. On a Dave Taylor, Steve Taylor, Brian Taylor, Ghislain Ouellet et Georges Bertrand. Conception de la pochette, Guy Cloutier. C'est lui qui a placé tous les appareils sportifs de cette façon-là. Arrière. Je suis désolé, je peux pas vous montrer la pochette, mais effectivement, je ne comprends pas pourquoi ils sont fiers de marquer qu'il y a une conception de pochette. Là. La pochette va se retrouver très bientôt sur mon site de Radio Coche. Je l'ai pris en photo tantôt, ça s'en vient. Parce que les jeudis, vendredis et samedis matin, à Radio Cochonnerie, de 9 à 10, on a la gymnastique matinale. Ce disque-là va rentrer dans la playlist cette semaine. Yes! En compagnie de Claire Pimparé, Jeannine Tuto et Dominique Michel. Ah, celle qui me fait bander! Oui, c'est ça. Radiocoche.org. Oui, tout est là. Puis d'ailleurs, j'en profite pour dire que depuis la semaine passée, l'émission 70% est en rediffusion le mardi matin à radiocoche.org. Donc là, vous êtes peut-être déjà en train de l'écouter à Radio Coche en ce moment, puis vous dites « Ben, je le sais. » Hey, sinon, on arrive à la fin de l'émission, là, tranquillement. Moi je suis obligé de prendre la trame sonore de fond de DJ Georges pour... Guillaume, toi, tu vas venir nous présenter des films pour les 2 ans du douteux. C'est pour ça que tu es là, entre autres. Ça va être quelque chose. T'es prêt? En attendant, où est-ce qu'on peut voir ça? Ben, en attendant, c'est à l'étude. Fait que dans le fond, je me suis dit, je vais aller voir à 70% pendant un projet qui n'existe même pas encore. Ah, cool, ok. C'est merveilleux. Mais non, c'est pas vrai. Non, il est à l'étude, puis dans le fond, peut-être cet été. Sinon, aller sur YouTube, si plus de monde qui clique dessus, je vois qu'il y a un intérêt. Puis c'est Flic de Laval, inséparable et corrompu. Puis ça va me faire plaisir de mettre des trucs sur YouTube éventuellement, mais il va y avoir un site internet puis tout. Ça vient d'où le mot flic? Flic, ça vient de... Tu parles de mon projet ou tu parles de... Non, en général, pourquoi flic? Ben, je pense que j'ai regardé sur Wikipédia, puis ça vient de loin pas mal, ça vient d'Europe. Puis c'est parce que les flics avant, c'était des policiers qui avaient des matraques, puis c'était... pour définir le policier à matraque, ceux qui ne l'étaient pas. Puis ça, le mot a évolué, il a changé. Puis donc, personne ne sait vraiment où ça vient. Puis c'est pas mal douteux. Bon, voilà, tu es à ta place. Puis sinon, fais-nous donc un indicatif. Là. Et c'est Guillaume Miller, et vous écoutez 70%. Quand même, hein? C'était intense. Arrière. Moi, j'ai le bout dur. là. Et Alexandre, toi, est-ce que t'en as un autre de réserve, une chansonnette? Ben, j'en ai toujours. T'en as tout le temps? Est-ce que tu prends les demandes spéciales? Ouais. La goutte de citron sur mon poisson, là. OK. Moi, je l'aime bien gros, celle-là. OK. Toi, tu vas être là aux 2 ans du douteux aussi? Oui, j'espère. Moi, j'y vais. Oui, Caroline. Ça va être magique comme soirée. Goodbye. Ça a mixé, hein, avez-vous vu? Fait que, ben moi, je dis, toi, t'es prêt. Attends, on a-tu une dernière nouvelle de Bruno? Non, c'est fini. Ah, pas mal rendu au bout. Là, ça veut dire qu'on va booker l'émission avec Alexandre Côté-Fournier qui va nous chanter son... Hey, t'as vu, j'ai réussi. Qui va nous chanter son affaire de la tranche de citron. On va essayer de comprendre c'est quoi le rapport entre vu Brett Utake et Ananana Goodbye. On va dire merci à DJ George, c'est un plaisir à chaque fois. Toujours. Hein, on a gagné 2 prix hier, man, on est fort. On a failli. Ah oui, c'est vrai. Simon Bréget. Moi, j'ai gagné des billets pour Mutech. C'est quelqu'un qui veut y aller avec lui, là. Ouais, c'est quelqu'un qui veut y aller tout court. Israël, content de t'avoir revient du stationné. Ouais, j'ai fini ma job, fait que je reviens comme à l'habitude la semaine prochaine. Et voilà, Evelyne, content de t'avoir revu. On va trouver du normal amour pour la prochaine fois. Bruno. Papier de toilette. Je fais ça qu'on Danemark. Hey, c'était Tommy Godette au micro. Là. Moi, je vous baisse le petit fond de Gilbert Delors. On se laisse avec un dernier kick avant, tout le monde. Et on pense en va écouter Alex. Tu as des yeux gris que je trouve jolis. Mais je sors les filles de toute la ville. C'est pour ma maman, elle contrôle mon argent. Au cœur de la nuit, entends-tu mon cri? T'es la goutte de citron sur mon poisson. La goutte de citron sur mon poisson. Je ne peux pas manger mon poisson sans toi. T'es ma goutte de citron. T'es ma goutte de citron. T'es ma goutte de citron. goûtait ma goutte de citron. Je suis au concert avec une bien en chair. Je veux te faire signe pour mon kidnapping. Ton copain n'est pas le bon gars pour toi. Au cœur de la nuit, entends-tu mon cri? T'es la goutte de citron sur mon poisson. La goutte de citron sur mon poisson. Je ne peux pas manger mon poisson sans toi. T'es ma goutte de citron. T'es ma goutte de citron. T'es ma goutte de citron. T'es ma goutte de citron. Solo. Ma maman ne t'aime pas, mais moi si. T'es ma goutte de citron. T'es ma goutte de citron. T'es ma goutte de citron. Solo encore, non. Ah, c'était excellent, merci beaucoup Alex. Merci. Puis tous les amis, on se voit au plus tard le 29 mai chez Simon Préjean. Là, toute l'adresse et tout est sur le site. Là, sinon, on vous laisse avec... un petit extrait qui va expliquer c'est quoi l'araignée qui a piqué quel Peter Parker. Merci les amis, à la prochaine. T'es remarquable. Eh ben tant mieux, parce que figurez-vous, moi je commençais à en avoir marre de forniquer comme ça. Vous devez maintenant nous suivre pour les essais. Vous suivre? Mais où ça? Sur Altaria. Mais je veux pas aller en Géorgie. Altaria est la planète d'où je viens, tout simplement. Ah, ça, c'est la meilleure. Et on peut connaître vos intentions? La population de la planète est en constante régression. C'est alarmant. Nos femmes ont une excellente santé et sont en pleine forme. Nos hommes manquent en revanche de tonicité dans le domaine de la virilité. Ah oui, bah, ils sont impuissants, quoi. Et ils ne peuvent avoir d'érection. Nos lois interdisent toute expérience sur notre propre espèce. Aussi ai-je décidé de prendre les choses en main avec l'aide de Drax pour expérimenter sur une espèce dont le métabolisme est similaire au nôtre. Dans toute la galaxie, Wesley, c'est vous qui avez été choisi. Eh ben, c'est gentil, je vous remercie, je suis vraiment très très flatté, mais à mon avis, vous êtes complètement cinglé. Je vous demande pardon? Vous êtes fêlé, barjo, débile, vous perdez complètement la boule, ma pauvre amie. Mais qu'est-ce que vous faites là? Non, arrêtez! Mais ça va pas. Attendez, j'ai presque fini. Je porte ce masque depuis si longtemps que j'avais oublié combien il était bon d'être soi-même. Une extraterrestre. C'est ce que j'essayais de vous dire. Mais c'est complètement insensé. Êtes-vous convaincu maintenant, Wesley? Non, ne vous approchez pas, hein! Vous n'êtes qu'une horrible créature bleue! Wesley! Non! Vous ne devriez pas parler de la sorte, soyez objectif. Calmez-vous, comportez-vous en humain et acceptez de me suivre. Non, non, sûrement pas, j'irai nulle part avec vous! Wesley, je trouve que vous maîtrisez mal vos réactions. C'est possible, tiens, je vais vous montrer. Ah! Ça n'était pas une extraterrestre aux yeux globuleux et à la peau bleue qui viendrait gâcher ma vie amoureuse. Ah non, ils n'allaient pas s'en tirer comme ça tout de même. Cupide, immonde créature! Et où est-il passé? Alors, Drax, où est la potion magique? Merci. Vous n'espérez pas l'emporter, je suppose. Ah ouais? Et qui est-ce qui pourrait m'en empêcher? Vous, peut-être, espèce de pauvre impuissant. Ne soyez pas impoli, Wesley. Deux doses de dictorum phosphate, un peu de phénol nitrate, et pour finir, la poudre d'aluminium. Bon voyage! Chromium phosphate, phénol nitrate, poudre d'aluminium... Votre masque, où est-il? Aucune importance. Que vous est-il arrivé? Il a fait sauter le laboratoire.